sciences liturgiques et la théologie liturgique sont ainsi faites que, à partir d'un exemple, on peut facilement généraliser. Or, la liturgie est quelque chose de très important. C'est au cœur de l'expérience des Églises. Quelle est vraiment cette importance de la participation à la liturgie ? Il faut commencer par rappeler que selon certains commentateurs byzantins, donc orthodoxes, la liturgie c'est le ciel sur la terre. Bon, c'est une formule que l'on répète, que certains théologiens ont commenté aussi. C'est moins Dieu qui descend sur terre, même si c'est vrai aussi, c'est une conséquence de l'incarnation, Dieu qui devient homme, que l'assemblée liturgique, c'est-à-dire les personnes rassemblées dans l'Église, qui, au fur et à mesure de la célébration de la divine liturgie, petit à petit montent vers le ciel pour y rejoindre le trône céleste, l'assemblée des anges, la communion des saints et Dieu lui-même. Oui, liturgie, liturgia, ergon tou litos. C'est donc vraiment le travail du peuple de Dieu, le travail de l'Assemblée. Quoi dire à ce propos-là ? Oui, le mot liturgie vient de deux mots grecs, l'un qui veut dire peuple et l'autre qui veut dire action, œuvre. Au départ, cela désignait des organisations financées par ce qu'on appelait des liturges, autrement dit des bienfaiteurs, donc une action de bienfaisance de quelque ordre que ce soit, sociale ou une distraction, une fête. Et puis, dans le contexte chrétien, le mot liturgie en est venu à désigner quelque chose que l'on peut traduire par action du peuple ou action pour le peuple aussi. Autrement dit, dans la liturgie, même si ce n'est pas le seul aspect, la dimension communautaire est importante. Les chrétiens ne peuvent faire la liturgie que s'ils sont ensemble. Est-ce que c'est véritablement le cas dans l'Église orthodoxe que donc le peuple est actif dans cette liturgie ? On peut dire que oui, parce que indépendamment de questions peut-être plus techniques où on a l'impression que la liturgie, mais ça c'est vrai peut-être pas seulement pour les orthodoxes, on pourrait croire que la liturgie n'est qu'une affaire de prêtres ou de spécialistes, de célébrants qui sont dans des habits spéciaux et qui font quelque chose devant une assemblée passive. Il faut quand même rappeler, mais je pense que les orthodoxes ne sont pas les seuls à le souligner dans leur vie, la première action liturgique, c'est la prière. Autrement dit, la liturgie se passe d'abord dans le cœur de chacun. Si je n'ai pas moi-même cette conscience d'appartenir au peuple de Dieu et par conséquent de fréquenter l'assemblée liturgique à ce titre, l'Épître aux Hébreux, vers la fin du texte, nous rappelle « Ne désertez pas vos assemblées », comme certains ont coutume de le faire, je cite de mémoire. Effectivement, si on est chrétien, il est important déjà de venir à l'assemblée liturgique. Et ensuite, ne donnons pas trop au sens de participation à la liturgie, ne donnons pas trop à l'expression « participation à la liturgie » un sens trop technique. Participer à la liturgie n'est pas d'abord y faire quelque chose. Pour les enfants, c'est peut-être important à certains moments de leur donner un cierge ou de leur faire porter quelque chose ou de les faire participer extérieurement parce que sinon ils ont l'impression de s'ennuyer ou d'être passifs. Mais petit à petit, lorsque nous nous enracinons dans l'Église et que nous prenons de plus en plus conscience de notre appartenance au peuple de Dieu, autrement dit de notre condition de témoin du royaume des cieux, parce que la liturgie n'est pas autre chose qu'une manifestation dans ce monde du royaume des cieux qui est à venir, mais qui pourtant est déjà là, qui est déjà en chemin, qui est déjà à l'œuvre, et nous en avons des manifestations concrètes. Chaque fois que nous nous rassemblons dans l'Église, nous les chrétiens, nous sommes les témoins du fait qu'un autre monde nous attend. Et donc, en réponse à cette réalité d'un autre monde, nous exprimons notre attente de ce monde, et nous l'exprimons très activement, je dirais en premier lieu par la prière, parce que c'est notre prière qui peut avoir pour expression un ministère, une diaconie, c'est-à-dire un service, qui peut éventuellement faire l'objet d'une ordination, mais il faut rappeler que certains ministères ou certains services dans l'Église ne font pas l'objet d'ordination. Quelqu'un peut très bien faire la catéchèse sans être ordonné catéchète. Un ou une iconographe peint des icônes sans recevoir une ordination pour cela, ça n'existe pas. Et puis il y a d'autres ministères qui sont ordonnés, diacres, prêtres, évêques, pour ne citer que les principaux. Mais les ministères ordonnés ne sont qu'une partie visible de l'iceberg qui est constituée par une autre partie invisible qui est tous les services que l'on peut accomplir dans l'Église et qui ont ou n'ont pas une expression extérieure dans l'Église. Je prends un exemple. Dans une assemblée liturgique, vous pouvez avoir quelqu'un de très riche, qui a un compte en banque bien rempli, et à côté de cette personne se trouve quelqu'un de très pauvre, ou qui vit simplement, modestement. Mais si la personne très riche a conscience de sa place de chrétien et de citoyen du monde à venir, elle partage gentiment son argent avec les pauvres et elle donne des offrandes aussi à l'Église qui en fait, selon le discernement, donc je parle en termes idéaux parce que malheureusement ce n'est pas toujours ainsi que cela se passe, mais tout de même, idéalement, il y a une gestion des biens matériels au profit des plus pauvres. Eh bien, la situation normale dans l'Église est que l'on ne sache pas qui est riche, non seulement qui est riche et qui est pauvre, mais si quelqu'un a fait une très grosse offrande à des pauvres, qu'ils soient dans l'Église ou à l'extérieur d'ailleurs, peu importe, eh bien ça ne se voit pas. Mais la personne est là, si elle s'est enrichie en quelque sorte en faisant un grand don, il n'y a pas de raison que quelqu'un le sache, c'est une affaire entre Dieu et cette personne. Et cette personne peut très bien faire un don important, j'ai pris cet exemple, sans avoir aucune action extérieure dans l'Église. On ne va pas forcément lui confier une tâche honorifique, ni lui faire prendre une participation active dans le déroulement de la célébration, simplement parce qu'elle a fait un don. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens. Donc les ministères dans l'Église, je prends le terme au sens le plus général, sont extrêmement différents. Et pour en fait terminer sur cette question, il suffit de se replonger dans certains textes de saint Paul, certains passages de la première épître aux Corinthiens notamment, qui énumèrent un certain nombre de services ou de ministères ou de charismes dans l'Église. Tout ministère Et toute action dans l'Église devrait être l'expression d'un don particulier de l'Esprit-Saint. C'est comme ça que l'on doit considérer les ministères dans l'Église, à mon sens. Vous avez là tout à l'heure évoqué aussi le fait que nous participons déjà au royaume de Dieu. Donc, au début de la liturgie, le célébrant dit « Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, c'est le moment que nous entrons déjà, soi-disant, dans le royaume de Dieu. Comment expliquer cet événement ? Je pense qu'il faut repartir du début du mystère chrétien qui est celui de l'incarnation. Il faudrait aussi repartir de l'Ancien Testament. La fonction de l'Ancien Testament, pour être très court, était de préparer l'événement central, majeur et inouï qui est l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui devient homme. Un Dieu qui accepte de devenir homme, c'est un Dieu qui dérange. Donc, pour donner la vie éternelle à l'homme, Dieu a choisi d'envoyer son Fils. Donc, le Fils qui n'est pas moins Dieu que le Père et qui vient sur terre et qui se rend visible. Et un Dieu qui a fait l'effort de se faire connaître, un Dieu qui s'est rendu visible, nous sommes moins excusables de ne pas chercher à mieux le connaître si toutefois nous avons envie de chercher Dieu, ce que, bien sûr, tout le monde ne le cherche pas ou pas au même niveau. Eh bien, c'est parce que Dieu s'est rendu visible qu'il nous a également entretenu, les évangiles en sont le témoignage écrit, il nous a parlé de son royaume à venir, il n'a pas fait qu'en parler d'ailleurs, parce qu'il a aussi agi, il a opéré des signes, des miracles, chaque miracle raconté dans l'évangile, à sa façon, est un témoignage du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume où Dieu ne veut pas la souffrance, ne veut pas la maladie. Pour s'en convaincre, il suffit de relire les différents récits de guérison qui ne sont que des exemples, des expressions de l'infinie miséricorde de Dieu. Parce que Dieu n'a pas simplement cherché à faire marcher un boiteux ou à ouvrir les yeux d'un aveugle. Il a guéri l'homme en son entier. Et ces guérisons sont des signes du royaume. C'est pour ça aussi que pendant l'hymne des chérubins, on chante « Déposons tous les soucis de ce monde », n'est-ce pas ? Oui, par la liturgie, donc, nous sommes introduits dans ce royaume. Et chaque étape du déroulement de la liturgie, telle que nous l'avons reçue maintenant au XXIe siècle dans la tradition byzantine, mais ce n'est qu'un exemple, parce que dans les autres liturgies chrétiennes, je pense que la dimension du royaume des cieux est soulignée, avec peut-être des différences d'accent et des expressions différentes, mais je ne les connais pas assez pour faire maintenant de la liturgie comparée. Simplement, la liturgie eucharistique, en son entier et dans son déroulement, est une manifestation du royaume. Et effectivement, le moment où nous chantons, alors ça c'est spécifiquement byzantin, ce chant de l'hymne des chérubins, nous y chantons « Déposons tous les soucis de ce monde » parce que c'est un moment charnière, en quelque sorte, nous abandonnons ce qui concerne ce monde, nos préoccupations, quelles qu'elles soient, et j'ose le dire, même nos souffrances, nos maladies, je ne veux pas dire nous faisons l'effort pour les oublier, parce que cela signifierait que nous sommes les seuls, comme si nous nous sauvions nous-mêmes. Mais Dieu, en quelque sorte, nous prend en charge, pas seulement à ce moment-là, mais pendant toute la liturgie, pour nous conduire vers son royaume, Et le chrétien dans ce monde a une grande responsabilité, parce que à partir du moment où une personne est baptisée, si elle prend conscience de la valeur de son baptême, cette personne, comme le dit saint Paul, est un citoyen du royaume. Notre patrie est dans les cieux, nous dit saint Paul, je crois que c'est dans l'épître aux Philippiens. Et donc, à partir du moment où on est citoyen d'un autre monde qui nous attend, eh bien, on abandonne tout ce qui concerne ce monde, au moins pour le temps de la liturgie. Et le fait de l'abandonner